Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Interbrezonnik, on démarre au son des horloges d'Henri, jolies, et qui sont au nombre de deux dans la même pièce, et décalées. Henri Le Naou, oui, bonjour. Elles sont décalées, oui. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Elles sonnent un petit peu avant, elles sonnent pendant. Oui, elles sont jamais ensemble. Hein. On se retrouve, Henri, pour Interbrezonnik, avec mes trois parties, comme d'habitude, c'est la leçon... Peron, Ruer Atrugen. Oui, Peron Ruer Atrugen, 466. Voilà, on va tout doucement vers la 500. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé parler d'un adjectif, qui est l'adjectif lem, qui veut dire pointu, tranchant, acéré, coupant, enfin, voilà. Pointu, tranchant, acéré, coupant. Alors, ça m'est venu, l'idée m'est venue en réécoutant un disque de Terre Magique dont le dernier morceau, c'est Bin Vieux Lem, chanté par Christian Duro, qui est une chanson sur un air assez leste et des paroles assez lestes aussi. Ah, assez leste, oui. Oui. Il y a Annie Ebrel et Nolwenn Le Bué qui sont honorés dans cette chanson. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Alors, Lem. Alors, c'est un adjectif, un mot d'origine celtique, hein, qu'on trouve également en gaulois et en gallois, je veux dire, et en cornique, peut-être en gaulois aussi, je ne sais pas. Voilà, et donc très courant dans la vie, hein, on dit par exemple « les meilleurs gontel », le couteau est aiguisé, hein, voilà, il coupe en tranchant. Alors, « les meilleurs valses hein, », la faucille par exemple, hein, ou on peut dire aussi « les meilleurs valres hein, » pour la faux. Alors, donc, c'est également parfois utilisé comme substantif, c'est-à-dire comme mot commun, non commun, hein, donc pour parler du tranchant. Hein, lem, le tranchant, ou on dit le fil aussi, hein, le fil d'une épée, par exemple, hein, ou d'un couteau, quoi. Voilà. Alors, c'est un adjectif, évidemment, il y a des comparatifs, hein, comparatifs et superlatifs. Comparatif, l'aimant, hein, plus tranchant, et l'aimant, c'est le superlatif, le plus tranchant. Voilà. Alors, bien sûr, comme toujours, avec un adjectif, on peut faire un verbe hein, qui est l'aimant, hein, l'aimant qui veut dire aiguiser. Oui, aiguisé, voilà. Donc le participe passé, c'est l'aimed, hein. L'aimed im gontel, par exemple, hein, mon couteau est aiguisé, a été aiguisé. On insiste sur l'action de l'avoir. Si on dit l'aimed im gontel, c'est qu'il est tranchant, et l'aimed, ça veut dire qu'il vient d'être, il vient d'être aiguisé, voilà. Alors, autre mot, bien sûr, la personne, hein, l'aimer, c'est l'aiguiseur, hein. On appelait ça le rémouleur autrefois, le rémouleur qui passait dans les villages et dans les villes. Il y en a encore parfois, mais c'est rare. Oui, sur les marchés. Oui, ça se fait plus beaucoup. Oui, voilà. Oui, parce que dans le temps, bien sûr, on gardait les couteaux très longtemps. Hein, il y avait certains couteaux, il ne restait plus grand chose de la lame, hein, puisqu'on les aiguisait régulièrement. Voilà. Et donc l'aiguiseur, le remouleur, on dit aussi l'aimour, hein, dans certaines régions. Hein. Voilà. Et alors, c'est également parfois utilisé pour le repasseur. Le repasseur de coiffe, par exemple, hein, qui affûte les coiffes, en quelque sorte. Hein. Alors, l'affûtage, hein. Ah ouais. Alors, l'aimant le verbe, hein, peut être, utilisé avec un préfixe comme béglément par exemple qui est affûté une pointe béglément un rayon par exemple hein. Un crayon par exemple hein. Tailler un crayon voilà alors l'action d'affûter c'est l'émereuse hein. Donc l'émereuse l'action d'affûter un outil alors il y a une autre utilisation du verbe l'aimant, c'est pour le moulin. C'est-à-dire, c'est piquer la pierre du moulin. L'aimant Ervilin. Hein? Donc, par les picoteurs, hein, ou les picotiers. Alors, ça, c'était au sens propre. Alors au sens figuré, c'est ça, ça va être drôle. Là. C'est très employé aussi. Par exemple, Doula Glem, hein, très employé. Hein. J'ai souvent entendu ma grand-mère employer ça. Doula, d'ailleurs, elle avait elle-même des yeux assez perçants. Doula Glem, donc des yeux perçants, un regard vif là. Hein, voilà. Spiradlem, hein, un esprit vif. Hein, on trouve ça souvent dans les chansons, d'ailleurs. Orplar Spiradlem, une femme qui a l'esprit vif, hein, elle est perspicace. Un peu moins honorable, Tiodlem, la langue acérée. Ouais. De vipère. La langue de vipère, ouais. On dit Tiodlem ou Lardienlem aussi. Hein. Ici, on disait Lardien, hein, plutôt que Tiod. C'est quoi Lardien? Lardien, c'est la langue aussi, ah, hein. Oui. Lardien, ouais. Voilà. Mais Tiod est très bien compris par tout le monde aussi. Hein. Poignoulem, des mots douloureux. Hein. Un petit proverbe, Gerriou Vejou, Velemor, Vibizidor Vor. Parfois, les mots sont plus acérés que les doigts de la fourche. Et puis, pour terminer, ben, je reviendrai à mon point de départ, c'est Binvioulem, hein, la chanson de Christian Duro, là, bon. Peut-être qu'on passera ça un de ces jours à la radio. Oui, on peut même essayer d'en passer un petit peu dans l'émission pour faire entendre aux gens. On va faire ça. Valerie de Zolben, Bijoulem, ma verdame cantaine des Cotterlem, trois jours boiriel au Rondovel, belle bouche d'Anipé, mon nouvel. Et blair et bisa va brezel, veliwa de tutti dans ma goutel, bispas fusul bayonetten, dans le bouche d'anip et bon nous de nouvel. On passe donc, après Christian Duro, à la seconde partie, ça va nous amener au dialogue. Brezon nectan matam. C'est l'époque des Trois Archipelagos, et les Trois Archipelagos, bah, ça se passe aussi à Zantoluk. Il y a une date à Zantoluk chaque année, et c'est pour ça que dans le dialogue de Hentar Brezhonek, aujourd'hui, Chanik va à la rencontre de Job. Alors, qui est Job, Henri? Alors, Job Nedelec, c'est l'instituteur en retraite qui est président de l'association Bleu New Zantoluk, et là, qui organise cette année un Trois Archipelagos. Alors, c'est un mardi, hein, c'est pas comme le Trouver Chapel You Classique, hein, c'est, qui est un jeudi. Ici, c'est un mardi. Salut, Job. Clévet meus vos grètes prestrict, Trouver Chapel You, bah, Chapelle Zanterne et Kerizel. Ja, Chanik, ben des meurs vos grètes, a gen drasis o oset gant ur strolat blenio zantolek, a gant tut bugal e ur skol. A Petra vos grètes nang. De diantor ur valead en tro dro de zantolek, de der ur waler mern, war ole hanter. Ole hanter? Ja, ole hanter zera, ruer kilomen ma karet. Ur valead en ze, gas o en dut reguinogin ur baus. A ba milin kier bakal, e vo evet o bor. Waler a valead en, e vo brezegen gant iwan en du, e tro ou person, ni war ben istor e chapel hag istor ur vro. A waler ze vo evet o bor. Roaz? Ya, met e va chou skan, e balkol e vel just. A waler, e halo en dut debri war e blasen, trog de ze vro e vel just. A goude, e vo a zonadek, ba chapel zandern, gant kanerien a zonerien de ze vro, a goude ze ma ve bra an amzer vo gret un tam fez nons. Ma tre job, chans vat d'or, gant an amzer. Ya, ya, ya, merci a Tinar Vegel, Chanik. Keno. On reprend phrase à phrase ce dialogue entre Chanik et Job pour Trouver Chapel You à Zantolek. Salut Job, clévet meus vos grètes prestic, Trouver Chapel You, bah Chapelle Zanterne et Kerizel. Voilà, bonjour Job, j'ai entendu dire que bientôt il y aura Trouver Chapel You à la chapelle de Saint-Hernin à Kerizel. Ya, bendimers au ton de vos grètes. Bendimers au ton de vos grètes. Oui, donc mardi qui vient, mardi prochain, bendimers au ton de vos grètes, ce sera fait. Aux aider en drasé gant blenius en tolek à gant tut bugalé ar skol. Voilà, c'est organisé par l'association blenius en tolek et par les parents d'élèves de l'école. À Petra Vogret, né. Et qu'est-ce qui va être fait, oui? De gentan ar valé aden trodro en tolek. D'abord une promenade autour de en tolek. De derer war l'air crechté, war l'enter. Alors, à 3h de l'après-midi, donc, une promenade sur une lieu et demie. Léanteur. Une lieu et demie. C'est comme ça, c'est lé, Henri. Alors, lé, oui. Ouais, parce que, bon, c'est plus une mesure tellement utilisée dans la vie courante. Pas trop, non. Enfin, sauf pour les bottes de 7 lieues, mais... Ya, per 4 kilomètres, ma carite. Oui, donc ça fait 6 kilomètres, puisqu'une lieu, c'est 4 kilomètres. Alors, Valé Adenze, à Gazondut, war Venogénou, à Barousse. Voilà, cette promenade emmènera les gens sur les sentiers de la commune. Ah, bah, Milin Kermakal et vous évêtez bord. Et au moulin de Kermakal, on boira un coup. Voir l'air en Valé Aden et voir Brézégen en Iwanandu. Alors, après la promenade, il y aura une conférence, une causerie, hein, par Iwanandu, donc le recteur. D'Iwarben, histoire à chapelle, à Gistoire Vro. Au sujet de l'histoire de la chapelle et de l'histoire du pays, bien sûr, parce que ça ira plus loin que l'histoire de la chapelle. Voir l'herzé et vous évez d'arbord. Et ensuite, on boira un coup. Roas. Encore, quel Ya, mais Eva joue scan. Eva alcool. Eva joue fresque. Oui, mais des boissons légères, sans alcool, des boissons fraîches. À voir l'air, au ralo en dut, débris, voir un blasen, boîte de zovro, fait juste. Oui, et ensuite, donc, les gens pourront manger sur place, boîte de zovro, des spécialités du pays, quoi. À voir l'air, à goût d'aisé, et voir Zonadek, ma chapelle Zander. Et ensuite, il y aura un concert dans la chapelle Saint-Herne. Donc, en Eurien, à Zonurien de Zervro. Avec des chanteurs et des sonneurs du pays. À goût d'aisé, ma vébra en amzer, vos grètes fesnons bien. Et après, s'il fait beau, on fera un petit fesnons. Ma très job, chance va d'orgue en amzer. Oui, bonne chance avec le temps. Mais oui. Voilà, bientôt, tout de suite, dans un tout petit instant, Petra, Zone Vervro, troisième et dernière partie de Hunter Brazonneuk. Thank you. Petrazone-Vervon. Avec Henri Le Naou, on prend des nouvelles du pays. Henri, Petrazone-Vervon. Calzadrau et Velgius, Boervej, Diouzon. Krogum de Dientan et Velkis, Acustum. Gandela, Bourdouar, Agavu et Wararmez. Arion, Brément, Badnan. Déjà, Zobetro, Rewen, Calzevouen, Wararmezio. Adon de Rey, Prestig, Marienest. Wardachenela, Bourdouar, Drevraz et Diezentrou. Coulzevide et Higzout. Vidmar a de mort, à main meuse vide l'aise, plus dur et disquen et prise de l'aise, bouéfine en rotaillou. Cet usobé de manifesta donc direct stalio bras, dans le labourer yen douar, fulore d'ovelet, n'en que des vides gonni d'obu et chine, gand au labour. Alice peve combs de ze labour douar war herbit, eve combs de ze mara de not. Not evel juste zo e bouis, pe a grand ma peswan. Calzer han vezer et gand Quand Brovrance, Warzy, puis dur, tient tant de broé, vid marad nod warerbit. Agen nod guerz en lerel, digas et veljus, calzer en de Brovrance. Puis son dravad vid kempwez en mahajou, hein. Balance commerciale in galag. Nevesso, wabazambrie, xalon zela bourdouar, vid département, odou en arvor, en terrali velvelar de se. Agen zo bekal ze dud larmes et déjà. A vraiment vécombs déjà de ze space, zo vide de braise bise, hein, vobar roison, ben, hunter miss gwengolo. Ag blanc, warland et wabit quand mille dud bas space, bas roison, ag jongel rogne card mur dud roise blanc ben. Ag blanc me vos disquez et, plus dur vé un thème bé plat, vos disquez et calze draw di warben, er binvio niveral. Comme ze rend vigenant, zor de space vegrette, et vide implige de restage ou à leur bourdoua, plie de ma veine moyenne, vidor eisen méthane, pelarine mode. À repas, les evel mimpel kanzavadur, et vidor gaz méthane, roger blad au ville hugen. Mais Stéphane Orfol, zo ministre de leur bourdoua, ne s'en zave, ne s'que gual belzo, et vos dièse tis ou d'orpal, qu'a hu d'une dé, ne s'que de brovrance, mais d'au hanzavadur, et vilor eisen méthane. Agancé, vous red, monde, warog, quand, nafars. Dans mon temps, moi, d'air, ou alors, war un tache, non, endro, vraiment. Nevesos, au bédim bande, quand leur pape fanche, au liseur keller, pévelard, zé, présent, galag velard, un encyclique, war un endro, herbla, triver à triugen, ou abé de zo hand, vet tremenet, Jean-Paul Dow, ni war hand, vet zand fanche, patron d'un écologiste. Guiré, Jean de Fanche assise, hein, on d'une toast de nature, hein. Aziz aux causes, ne se, pape, zo vraiment, ne stape de nonze, pape Fanche. Ag, babla, douze gatrugen, ou abé de, tientan emvaud, war un nendro, war arbit, ou abé Stockholm, hugen la rog emvaud Rio. Ag, tom à tom, hawarog, er menos, ou aran dachens. Mais des veljus, n'est que bras d'air un monde warog, plus dur, bonnes aux calz, skoyo, hein. Vejan amzer, gontandar, de ze louseyer chimique. Da square, bah, villar ou non prévende, de ve implige d'alise, louseyer chimique, da square, pire trénoïde. A deux oreilles, ou abelar, et douane 10 ans, mais de, studia d'un zo bégret ne vaisseau, gant un inserm zo baroison, an eus disquise de oa valtré menefine oa piretrenoïde vi yere de vugale. Hag gouskoude ve implijet kalz, hein, piretrenoïde vi lar o nam prevandet, mam eus barzen tir, hag lerel, me mam eus ba tir an dud. War mam eus tachen man eur roundup, ma trezen peus gwell tout un tab ut zo bet gant zi, hein, gant ministre ez un endro, bon, là, ez zo bet de vos divennes de temps ma temps me roundup, hein, plus dur, peso barz, glyphosate, zo valtré, évidor hier, hein. Mais de bon, stall Monsanto, nez hygiène de roundup, pire glyphosate, bon, peut-être dientan, zo crée un équesure, vos galles de harzé. Dans vraiment, wardash, nez évena du revro. Nez vaisseaux, zo bédine bande, gagnant guédon, batikob braise, or pèse lever, war quefou, or vro. Yves Guédon, zo den hag zo bet labourat de diant an vid mirdi ur bigi ba douarnenez, a oa l'air ba gazetan chas mare hag ur men. Hag dao vil deg ni oa nim bande do lever oa kostume de Bretagne. Hag lever ze neus disket kal ze drao an den dut, a bremañ zo gret oa lever oa ar c'hwefou. Hag ve komz eus tout ar c'hwefou zo bet, ba pep departement breiz, pet tiantor war breiz bez gant e pem departement. Hag bon zo lever bouez evit an aoud kwefo e breiz. Ne vezo eet nan aoun Jean-Yves Causant hag politikour zo an be an avet mat, ba vro, hag un din zo o a tom de zevro a de ze zevenad ur breiz hag un labour e kalz evel just evit zevenad ur breiz. Hag peso raltre mes ke politikourien, pudur ka etou de politikourien, zo tro gant jacobinerez. A labour neuz evel just, evit kaz oa rang un traub, dern lar e oa depute diwan, hag bon grede be di obidou ba iliz veur kemper, a oa l'air ebe kaz de enez eusa. Ba pudur oa bro de ze enez eusa. Ya fin tu zoar meus bet pe meus klev a tout d'un dut kan o melo di de Jean-Yves Causant vitro an ur an kiodo an an. Me bon, disement ur politiko ur yana. Babro ur mene ur gevridig ez lorart de spar ouz lorenan neus lid di ugen vla ne veso hag ur strolatzer a kalz draou Banon tambar ouz vel lorenan evit de zevenadur. Zevenadur a beb sortrao, pe de vegante tud d'or prezegen ou ar kalze drao. Hag zezo un tam o skweren de speso moyen d'or banon bar ouz vin. Bazan eganton evo digor et ba mis est, un tipou pigou vid l'ervo komze d'un tam brezondek, pas brezondek d'Hermann, mais un tam brezondek. A Peter Blar, zo labour a den, an vo raunet ze un tipi pigou, un tipou pigou vo raunet titoutouik. Titoutouik, ya. Hag bon, zezo mad, lakad un tam brezondek bas kouar ne vugrale, a breit. Wardach en an brezond a oaz, kalz labour vegret gant ar gevridigez ti ar vro, tre gar gwelo, zo staie bak avant, bon abor an kentelio brezondeg, ba pem zeug bar ouz beneket, a bremañ man yo hant de labourad war vid ur skolioù, vid pez vegred le en tapou, hein, da larade labour mez deus un amz ur skol, hag vid lakad un tamm brezondeg, de rei un tamm brezondeg, mamez de vugal e de heuyant ket ur las de ouye seg da skouer. An tapou. Un tapou. Néologisme. Il y a un tapou, il y a. C'est vrai, c'est vrai, c'est juste un tuel de un homme sur school. Avec un kevredi gézio, bon. À ces moments, là, quand on tombe raison, donc, mameuse de potiers rive, là, de monolingue. Hein, potiers bugale. À 10, ma 13, un zéreil blanc, c'était de son raison, donc, à Juan de, dont vont peler ou à l'air. Wardach en un archéologie, zo bedimban un evesso gant kop breiz, lever war archéologie ba kreiz breiz. Hag pemzeg den eus labouret evit zevel lever ze. Pe gomzin de zevena du roaz, triblasso vegred kreiz breiz, pez velart chant d'expression de l'arrede ve diskouez do ber ou gred gant ar zourien ba ferm yo evro. Hag ze vegred vel ba Kerboriou, ba Melkarez, ba Gwazbihan, ba Trabrien, ba Rufornio, ba Locarn, ba Kerna, ba de Carnoet, ba Kervalerien eus an servez, ba Benvern eus oive ba an servez, hag eus eus oz eus gant ur strolad ave zo haunet la fourmi e. Hag bon, zo bep sortrao, plus jude, plus jude e Montevel, bep sortrao, zo e gret gante, ba fermio evro. Hag me gaftin ze zon dravat, mi lak an du ton de vel, tra o gret, bon, beb sor jonge o ve gret warze, me plus juze. Kom ze ve deja de zor gwelioù zo bavro pa de nan, bon da skoer evel just ben dandout boul vriak, peut dire daugen lasso a bekrou de ur gwel ur vro plin, gwel plin, ba man ur an nelor ba boul vriak, a bremen man pelzo ba ben dandout a gaz vo kalze dud a kalze blijadur. Bon, ba hendel zo gwel zan loup evel just, gwel un dans fisel ba fin ar mizest, oz eut gant ur fisel eraz, gant strolad ur fisel eraz. Ala, ba, a gwel kant ur vart lodet vo ba pempoul. A kalz gwel yo, el evel just. Ur vegel, moa komp ze tar de zo lever oa be skriv eut gant Gilles de Pontavis, petan, man zin un eus Gilles de Janzé, war dachen istor len gwerledan, a bremañ zo begret un tamm levrig bien or, med gant Benoît Evano a Jean-Pierre le Denmat, war mam stachen, hag gant la vallée de vin bleu. Hag zezo me moulet ne vesso avec avat ba ofisao un touriste de ban département. Hag vide chui parg meldron roazon, vo haunet roazon park. Gwellor j'ai bet par roazon, me bon, ne ke fal me mestra la ka don tamm brezon, vide parg meldron ba roazon. A setu bon, setu un tamm de spesonne ve bavro. Keno eri. Ya, tinon, organ.